parlons cinéma. Depuis le temps. C'est vrai ça. Avec Les Faussaires, comme annoncé dans le sommaire, Die Fälscher en version originale. C'est donc un film autrichien et pas allemand, qui a remporté donc l'Oscar du meilleur film étranger il y a vraiment là très peu de temps. Et il est réalisé par Stefan Rudzowicki, un autrichien d'une bonne quarantaine d'années. Il est né en 61. Son nom ne vous dit forcément pas grand chose. Faut bien l'avouer, pourtant il a déjà quelques films à son actif. Deux films dans les années 90 qui, je dois bien l'avouer, ne me disent absolument rien. Je ne pense pas qu'ils soient sortis par chez nous. Et puis en 2000, Anatomy, qui a cartonné un peu partout en Europe, peut-être même au-delà, qui était un slasher qui surfait probablement sur la vague des Scream, à mon avis, un petit peu à l'époque. C'était bien mieux que Scream. Mais c'était pas mal foutu. Hein. C'était très intelligent et ça se passait dans une fac de médecine. Voilà. Et donc forcément, qui dit fac de médecine dit expérience, oui, corps qui disparaissent. Oui, et surtout, il avait eu la bonne idée d'insérer visuellement les corps plastifiés. C'est un Allemand, un scientifique allemand qui a inventé ça. On avait eu l'exposition au cadre de Kurgem, je me souviens. Oui, oui. Vous savez qu'on la voit dans Casino Royale, cette expo. Je me souviens plus. Ah ben oui, si, à un moment donné, il y a un échange de machin où James Bond se fait casser la gueule, ouais, tout ça. Et c'est dans l'expo des corps. C'est dégueulasse un peu, bon. Donc voilà, donc film qui était plutôt réussi à l'époque, donc carrément inscrit dans ce genre très codifié qu'est le slasher. On retrouve à l'affiche une actrice qui fera beaucoup parler d'elle par la suite. Franca Potente, on l'avait vu dans Courlo la cour, on l'a vu dans ce film La mémoire dans la peau. Dans les deux premiers Jason Bourne. Hein. Oui. On l'a vu aussi dans Creep, film survival anglais. Et puis on va la voir bientôt pour la petite histoire dans les deux prochains films de Steven Soderbergh qui seront consacrés à la biographie de Che Guevara. Ah oui. Avec Benicio del Toro dans le rôle du Che. Ah, oh, ça ne peut être que bien alors. Bah si, Steven Soderbergh. Mais Steven Soderbergh, le problème c'est que ses films ambitieux sont souvent un petit peu un petit peu faciles, un petit peu tape à l'œil, et que moi je trouve que c'est dans ses films fait un peu pour le plaisir comme ça qu'il est le plus, qui finalement il fait le cinéma le plus intéressant. Mais bon, c'est clairement pas un manche. C'est sûr. Mais moi, de toute façon, j'aime bien même ce film facile. Mais non, on va pas discuter de ça. Moi, j'aime surtout ces films faciles. Ah oui, d'accord. J'ai rien compris à ce que t'as dit j'ai dit alors. Que ces films ambitieux, artistiques, avec un grand A, avec des concepts et tout, genre Solaris, par exemple. Oui. Ah oui, non, c'est chiant ça. Enfin, je les trouve en tout cas beaucoup moins intéressants que des films plus comme Ocean's Eleven, qui le premier était quand même un divertissement à vos castings prestigieux, mais sans prétention, ou Out of Sight, qui était vraiment très très sympa, et beaucoup plus que des grandes fresques qui sont parfois plus faciles, même Trafic par exemple, il y avait des scènes efficaces, mais j'ai une faiblesse pour Trafic, bon, quand même, mais bon, enfin, les voilà. Couleurs et tout ça, c'est quand même très ça reste parfois très balisé. D'accord. Mais non, d'accord. On va quand même pas dire qu'il ne s'est pas réalisé des films de garçons, mais bon, on s'égare, puisque là, on parle quand même un peu des faussaires. Hein. Oui, donc, revenons à notre ami Stefan Rudzowicki, qui, après Anatomie en 2000, a réalisé un film sur la Seconde Guerre mondiale, avec ce bon vieux Matt LeBlanc de Friends. C'était une espèce de production internationale, je crois qu'il y avait Udo Kier qui cachetonnait dedans aussi. Ça s'appelait All the Queen's Men, une histoire d'infiltration de soldats anglais au sein d'une usine allemande qui fabrique des crypteurs, des machines à crypter. Enfin, je me souviens avoir vu la bande-annonce à l'époque, mais manifestement ça n'a pas cartonné et ça n'a pas laissé de profondes traces dans la mémoire des cinéphiles. Et du coup, notre ami réalisateur autrichien, il s'est fendu dans Anatomie 2 en 2003, qui a également cartonné pas mal. Et dans mes souvenirs, c'était sympatoche aussi. Correct, ouais. C'était pas indigne. Et donc là, il revient avec un projet beaucoup, beaucoup plus ambitieux, même si, on va le voir, c'est un film qui n'est pas d'une ampleur, dans tous les sens du terme, incroyable. Les Faussaires, donc, film qui se passe avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est centré sur l'histoire d'un faussaire qui qui, dans le film, s'appelle Salomon Sorovitch, et qui est un faussaire de génie, vraiment un des plus doués qui existent au monde. Dans le Berlin des années 30, il croule sous le pognon, mais c'est un pognon falsifié. Il est contrefacteur, il fait des faux billets. Ça, c'est mal. Des hein. faux Deutschmark. On ne le dira jamais assez, ne le faites pas hein, chez vous. C'est très mal. C'est très mal. Je crois qu'il s'essaye aussi à faire des faux dollars. Et puis, par une imprudence toute bête, une histoire de femme et de coucherie, il se fait choper par la police anti-fraude et il se retrouve dans les camps comme prisonnier. C'est malin. Dans les années 30, en Allemagne, on mettait déjà les gens dans les camps. Bah oui. Les criminels, les juifs, les opposants politiques. Normal, quoi. Il passe quelques années emprisonné et puis on vient le chercher avec tout un tas d'autres personnes qui, il va rapidement le découvrir, sont des artistes ou des imprimeurs. Et tout simplement, les nazis constituent une espèce d'opération qui s'appellera l'opération Bernhard, et ça c'est une histoire vraie pour le coup, opération Bernhard qui sera la plus grande opération de contrefaçon de l'histoire. Le but était de produire des kilos et des kilos de fausses livres sterling pour faire flancher l'économie anglaise. Hein. Donc ils comptaient balancer plein de livres sterling dans l'économie anglaise pour créer un phénomène d'hyperinflation et se faire s'effondrer l'économie anglaise. Ça c'est franchement mal, hein. Ne le faites pas non plus chez vous. C'est un petit peu risqué, mais oui. Bon, on ne sait jamais. Hein. Ouais, ça vaut d'accord, peut-être tenter mais... le coup si vous aimez ouais. un petit peu... prendre des risques et tout ça. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on m'accuse d'assistance. On n'est pas un service public, d'accord, mais quand même, hein. Attention. Donc, opération qui tourne à plein régime, ils parviennent à fabriquer des fausses livres sterling tellement bien faites que même la Banque Nationale Anglaise n'y voit que du feu. Et donc les Allemands, au lieu de distribuer en larguant par avion des billets, ils décident même carrément de blanchir l'argent via les banques suisses. Et cette fausse monnaie circulera même jusqu'au début des années 50 apparemment, où là la banque anglaise a dû retirer tout un tas de billets de la circulation pendant plusieurs années, histoire de épurer l'économie. Mais c'est une question qui a carrément été censurée. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de l'opération Bernhard au procès de Nuremberg. C'est vraiment un truc qui a été le minimisé le plus possible. Et d'ailleurs, je suis allé jeter un œil à Wikipédia. Ça a beau être une opération de déstabilisation, de guerre économique importante, la plus importante de l'histoire. Je crois qu'ils ont, produit pour 134 millions de livres sterling de l'époque. Ah oui. Ce qui n'est quand même pas rien. Je crois que c'est plus que la réserve, c'était plus que la réserve de la Banque Nationale Anglaise. Oui, oui, oui. Non, c'est ça ne déconne pas. Je ne sais pas s'ils ont tout distribué. Mais sur Wikipédia, vous avez deux paragraphes, quoi. Donc, c'est vraiment un fait historique peu connu. Et ça tournait tellement bien, cette opération, que les Allemands étaient sur le point, en tout cas, essayaient de produire des faux dollars. Mais la débâcle pour eux est arrivée et ils n'ont jamais pu mener ce projet à bout. Et donc, les Allemands, pour mener à bien cette opération Bernhard, c'est tout un tas d'artistes, d'artisans, d'imprimeurs, de banquiers juifs qu'ils emploient, qui sont enfermés dans un camp. Dans le film, je pense que ça se passe au camp de Sachsenhausen. Camp d'extermination, mais eux, forcément, leur savoir-faire, leur connaissance est précieuse et ils sont pas dorlotés, pas câlinés, pas choyés, mais en tout cas, ils sont traités comme des êtres humains et donc ils ont des lits, ils ont à manger, ils ne sont pas battus, ils ne sont pas torturés et ils sont donc dans une espèce de cage dorée, de prison dorée au milieu d'un trou noir d'un camp d'extermination où l'inhumanité règne. Et forcément, les dilemmes moraux vont arriver, et ce sont les thèmes abordés par le film. Voilà, c'est cette question, jusqu'où faut-il aller, jusqu'où faut-il collaborer, jusqu'où faut-il se salir les mains, se compromettre avec l'ennemi pour survivre, simplement, pour continuer à vivre, ne serait-ce qu'un jour de plus. Et, le personnage principal dit à un moment, mais moi je préfère... être gazé demain que fusillé aujourd'hui. Donc je vais pas me rebeller. Mais en fait, je vais fermer les yeux. Oui, on sait par ailleurs que dans les camps, c'est comme ça que ça fonctionnait, que l'essentiel de la logistique et de la sécurité et de petites tâches des camps étaient assurées par les prisonniers eux-mêmes. Voilà, avec ce système très pervers finalement. De capot, oui. Où c'était des prisonniers qui jouaient les guerres de Chiourme. Donc, dit comme ça, évidemment, c'est une thématique un peu bateau, un peu simpliste, mais le film aborde toutes ces questions de manière très intelligente. D'abord, en évitant de manière absolue tout académisme, au niveau de la mise en scène, au niveau des dialogues, au niveau de la psychologie des personnages. Le film est loin, mais très loin d'être une reconstitution historique où vraiment le moindre décor est important, où on a droit à une espèce de fresque super ample qui essaye de montrer de manière la plus exemplative possible et la plus historiquement correcte ce qui s'est passé. Pas du tout. Ne serait-ce que du point de vue du dispositif, par exemple, la plupart du temps, la caméra est une caméra très mobile. Je ne sais pas si c'est une caméra épaule, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et on est très très près des personnages, avec une image très grise, très terne et très très granuleuse. Et on n'est pas du tout dans une facture académique, au sens le plus courant du terme. Et ça c'est vraiment... C'est très très efficace, ça marche très très bien, parce que ça nous débarrasse de tout ce décorum du poids de l'histoire et du contexte un peu lourd, du film de plus sur un événement douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Je vais une fois bien vous expliquer, écoutez bien. Quand tu en parles comme ça, ça fait un peu penser à l'approche de Die Untergang. Tu te souviens ? La chute. La chute, effectivement. Il y a de ça, si ce n'est que le film n'a pas du tout la même ampleur. Forcément, il n'est pas question de bombardement. On côtoie pas des figures connues. Oui, c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Mais c'est quand même. Enfin, tu dis pas la même ampleur quand même. 134 millions de livres sterling. C'est ouais, quand c'est, même assez costaud malgré c'est, tout. C'est vu vraiment par le petit bout de la lorgnette, quoi. Par ces gars qui travaillent du matin au soir sur leur machine, le phototypiste, le gars qui fait les plaques et tout. Et ils font ça parce que sinon on les égouille, quoi. Donc c'est pas du tout une vision romantique des choses. Et vraiment c'est bien vu de la part du réalisateur d'avoir fait un film le plus sec et le plus minimaliste possible, en se débarrassant de plein de choses, notamment d'un côté un peu mélodramatique, et surtout de plein de dialogues. C'est un film qui est très peu bavard, me semble-t-il. Le personnage principal parle peu. Évidemment, on a droit à quelques discussions entre personnages qui sont déchirés, torturés, qui se posent plein de questions, qui vivent des choses difficiles. Cet atelier, je ne sais pas à quel point il est historiquement juste, si on a, à quel point le souci de l'histoire a été poussé, mais c'est une espèce de petit microcosme de tout... toutes les attitudes que les juifs ont pu avoir face au nazisme. Il y a le petit banquier qui faisait son boulot, mais bon voilà, il était juif, alors il a été arrêté. Il y a un imprimeur qui lui aussi, c'est un patron de PME, il n'a jamais fait de politique. Et puis il y a le communiste qui est plein d'idéaux et qui est prêt à se sacrifier pour sa cause, pour lutter contre le nazisme et pour aider les autres. Et puis il y a ceux qui veulent survivre, qui soient simplement dans cette espèce d'instinct de survie, ou qui soient opportunistes, ou qui soient lâches. Il y a vraiment tout ce microcosme, mais c'est fait de manière suffisamment subtile et intelligente pour ne pas que ce non plus que ce soit trop caricatural, et que chaque personnage ne soit réduit qu'à sa fonction. Et que voilà, on nous fait une espèce de petit catalogue de toutes les attitudes. Donc, film très prenant. Et je disais, une de ses grandes réussites, c'est vraiment d'éviter le tout bavardage inutile, avec un personnage principal qui n'est absolument pas manichéen. Et c'est aussi un des intérêts de ce film, c'est que ce Simon Zorovitch, ben c'est un salaud, quoi. C'est un bandit, c'est une crapule. Mais on va s'apercevoir que c'est un gars qui a plein de talent, qui a été artiste et qui aurait pu être un grand artiste, mais que son histoire familiale, son histoire personnelle fait que voilà, il a préféré faire de l'argent, parce que l'argent c'est la meilleure garantie de la survie dans les années 30 en Allemagne. Et il a beau être un opportuniste, un gars qui ne pense qu'à sa propre survie, à son propre intérêt, ça n'empêche pas d'être un être humain avec de l'empathie, avec de la compassion, et d'être parfois solidaire avec ses camarades de chambrée. Donc un personnage beaucoup plus complexe et beaucoup plus attachant qu'on pourrait le croire au premier abord. Personnage qui, entre parenthèses, lui est apparemment fictif pour ce que j'ai pu en découvrir. Toute l'histoire est basée sur un livre, ou en tout cas plusieurs livres, de Adolf Berger, qui est un des derniers survivants de cette opération Bernhardt. Et qui est l'inventeur du steak haché, j'allais dire. Non. Désolé. Pas du tout. Et qui donc a bossé là-bas et. Qui effectivement est un des personnages du film, mais apparemment, voilà, dans le film, il n'a pas le même boulot et il n'a pas les mêmes réactions forcément que le personnage réel, quoi. Inspiré de faits réels, et c'est plus fidèle à l'esprit de ce qui s'est passé que vraiment à la lettre. Ce qui est un bon plan finalement pour raconter un film. Parce que quand on essaie d'être trop fidèle à la lettre, finalement, c'est pas forcément comme ça que c'est le plus réussi cinématographiquement parlant. Mais souvent, voilà, la fiction, ça permet de combler les trous quand on ne comprend pas, et puis de créer des personnages fictifs qui synthétisent plusieurs facettes de personnages réels. Et là, en l'occurrence, ce personnage de Simon Zorovitch, avec un acteur qui a une tête pas possible. Il a une espèce de type qui ressemble un peu à Moby, mais qui aurait fait de la boxe, tu vois, et qui aurait la gueule complètement mal foutue. Comment ouais. Il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle. C'est un type, j'ai regardé sa filmo. Il a joué évidemment dans des séries genre Rex chez Netflix, comme tous les acteurs allemands cachetonnés dans les séries policières allemandes des années 80 et 90. Son personnage, c'est donc, comme je le disais, Simon Zorovitch. Et il a vraiment une drôle de gueule et il est pas beau, mais on sent et c'est, ça vraiment ça, je crois que c'est vraiment le talent de l'acteur, on sent qu'il dégage quelque chose, qu'il a une espèce de charisme qui fait que par exemple les femmes, même très belles, sont attirées par ce gars qui pourtant a une drôle de gueule. Et je regarde Virginie pour essayer de lui par télépathie, lui dire, mais Salomon Zorovitch, c'est ça? Oui. C'est le rôle principal, en fait. Ouais. Donc, c'est Karl Markowitz. Markowitz, avec CS à la fin. Il a une drôle de gueule, hein, effectivement, mais sa tête me dit quelque chose. C'est pas. Tu l'as peut-être vu dans un Derrick un après-midi. C'est possible. Non, dans un Rex chez un flic, ouais. Plutôt. Ouais. Donc, voilà, parce qu'apparemment, il n'y a que ça à sa film. Enfin bon. Virginie, toi qui as vu le film également, je ne sais pas ce que tu en as pensé, si tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Mais si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, effectivement, il a une gueule et qu'au départ, son personnage est assez détestable. Les quelques premières minutes où on le découvre, on n'a pas beaucoup de sentiments très positifs envers lui. C'est un roublard, quoi. Oui, mais en même temps, il a un peu une... Il a l'air un peu d'un salaud, quoi. Ouais. Voilà. Un salaud, mais un peu fascinant. Et puis il arrive quand même, au fur et à mesure du récit, à faire qu'on. Pas qu'on s'attache à lui, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, à nous rallier en tout cas à sa cause. De là à dire que les femmes tombent amoureuses de lui dans le film, en tout cas, oui. Dans la réalité. Mais dans la réalité, il n'existe pas ce personnage fictif. Oui, mais enfin bon, je veux dire, le personnage. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé beau à la fin. Je t'ai rallié non, à sa il cause. Pas beau. Mais... Non, ça fait pas l'ombre d'un doute. En tout cas, il a joué dans une série de films que personne ne connaît, enfin de téléfilms et de séries télé que personne ne connaît en dehors de l'Autriche profonde. Je soupçonne que ce soit une idole au Tyrol, mais alors ici, c'est assez impressionnant. Allez voir sur IMDb si vous ne me croyez pas, c'est assez. Voilà, donc Les Faussaires. Film qui est à l'affiche jusqu'au 22 mars au Churchill, je n'ai pas la moindre idée s'il sera prolongé ou pas, mais franchement, moi je trouve que si vous êtes amateur, entre guillemets, de films sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un épisode inédit qui est présenté vraiment de manière très, très efficace, très moderne, finalement très, très, très juste. On n'est pas dans le mélo, on n'est pas non plus dans le film qui se veut pédagogique et qui est vraiment qui cadre trop les choses, quoi. Ouais. Donc film bien foutu, vraiment, et qui donc a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui en soi n'est pas forcément une garantie de qualité, mais assez étonnamment, d'après ce que j'ai pu voir un peu sur internet, les critiques n'ont pas été super emballées par ce film. Je trouve ça plutôt étonnant, parce que c'est vraiment, selon moi... un film qui vaut la peine. Un tout bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, mais c'est bien foutu.